J'en ai marre des populaires, marre de la paillette. Ils veulent monter en grade, oui mais un grade qui va coûter. Ils veulent atteindre un sommet, mais le sommet de quoi? Ils ont l'air de s'amuser, oui mais regarde bien. Oui regarde bien. Leurs amis ne sont pas toujours des vrais. Des vrais. Ils restent ensemble pour se sentir supérieurs. Supérieurs. J'en ai marre, marre des populaires, marre de leurs frontières entre ceux qu'ils appellent les ratés et eux qui se nomment les gagnants. Waouh, alors que ce sont eux les perdants. Ils se croient les plus forts, regardent tout de leur podium. Et se disputent une place de popularité. Yeah. Mais pourtant elle est imaginaire. J'en ai marre, marre des populaires, marre de leur manière. Et juge les autres sur leur apparence. S'arrête juste sur l'extérieur. L'extérieur. Qui est bien souvent trompeur. Et ne prennent jamais le temps de regarder au fond d'un cœur. D'un cœur. D'un cœur. J'en ai marre, marre des populaires. J'en ai marre, marre des populaires. J'en ai marre, marre des populaires.